sa justice, sa majesté ou colère. Dieu exécute sa gestion et sauve l'homme à cause de son amour. La question n'est pas de savoir quel est le degré de son amour. L'amour de Dieu est 100%. Si son amour était un peu moins, les gens ne seraient pas sauvés. Pour l'humanité, Dieu donna tout son amour. Dieu donne tout son amour. Dieu donne tout son amour. Dieu donne tout son amour. Dieu donne tout son amour. Dieu donne tout son amour. L'incarnation renferme tout son amour, un grand contraste avec l'homme contre Dieu. Ne pouvant plus être sauvé, l'homme était déjà perdu. Dieu n'avait pas d'autre choix que de devenir chair et se sacrifier. Dieu donne tout son amour. Dieu donne de son amour.